Yeah, une fois de plus, dédicace à la fouine. Ok, kids, on mac débarque, faites pas place au scepticisme. Trop de bêtes sur ma route, balancez les insecticides. Ton rap est incompréhensible, t'es légérie que chez les Sims. Sims, et pourquoi tu te précipites? Ta place est dans le précipice, arrête ton pessimisme. Droit dans le rap, je m'immisce, les dangers de les minimise pas. Demande à Nesdin. Nesdin, et pourquoi t'es indécis? Fais pas doucement, moi j'anticipe. Je fous la rage au MC, car je suis en deux spie, en tricycle. En solo, en featuring, un départ pour la tuerie. Car dans la cour des grands, comme une Twingo version tuning. Ici c'est les cas, tombe ou bien les katas. Comme Kids on Mike et Fata, donf, quoi que tu fasses, je triomphe. Ton rap c'est la catastrophe, le mien nique tous en making off. Arrête faire les racines, mon rap arrive façon météore. Ouais, mes textes est facile, je le crois face au Minotaur. Minotaur, Minotaur, dédicace à la fouine. Si je rappe, c'est pour capital du crime. Fifi, je te suivis, fais péter la boîte de Pandore. Je me limite pas au petit, tu es un conquistador. Je ne suis qu'un apprenti, tu fais quelques métaphores. Tu veux tester le king, faut que tu t'élèves aux aurores. Tu veux m'arriver à la cheville, fais un feat en boîtier or. Ton rap est caricatural, loin de Mrs. Mondor. La fouine, tu m'entends, tu n'es pas une très belle voix. Yeah, mais j'espère que mes textes sont pas du vent et que tu les écouteras plus d'une fois. Ok, je repars. Mon imagination n'a pas atteint le bout. J'écris des textes 24-24. J'ai tout, pour le tout, pour le tout, pour le tout, pour le tout. Des étoiles dans les yeux, ouais, je vise le ciel. Le phénix est en centre, accroche-toi à mes ailes. Mes ailes, t'as du mal à enchaîner les voyelles. Mes rimes sont surnaturelles. Je cours pas derrière les biens superficiels, mais juste pour une zig semi-officielle. Pour une zig semi-officielle. Pas le sale. Non, pas cette fois. Chargé quand même. Chargé quand même. Chargé quand même. Dédicace à Nesdin. Mr. Aya, F-Lo, B.B. Wellin. Désolé, mais cette fois j'ai tout tué. Yeah. Dédicace à la fouine, une fois de plus. Encore sur une instru de dinguerie. Ok. Yeah.